Bonjour et bienvenue dans 5Q Music. Je suis Asto, et dans ce podcast, je vais vous partager les musiques que j'écoute en ce moment selon mon humeur et mes envies. Dans chaque épisode, je choisirai un album et je vous partagerai quelques pistes que j'aurai moi-même choisies. Pour vous aider à mieux me connaître, mon univers musical, c'est plutôt la pop, l'électro et le rock. Et aujourd'hui, je vous amène justement dans le monde de la pop électro avec l'album CMYK. Et je vous propose d'attaquer de suite en écoutant le morceau Falling Out of Love. Oh, here we go. It starts out down till we fall apart. Then you build it back until I crack. It's just too hard. Oh, here we go. You make one more promise that you break. Expectations lost. Is that the cost? Have we gone too far? 'Cause where we are is not where we were heading. I know the way we go's got questions we're dreading. Yes, I do. But do you two's caught under our fighting? Oh, well, we gave our best shot. Guess there's no place for us. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Il s'agissait donc du morceau Falling Out of Love. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur notre album et notre artiste du jour. L'album donc s'appelle CMYK et il est produit par Circus P. Circus P, c'est un producteur de musique américain spécialisé dans la pop et l'électro. Ce n'est pas lui qui interprétait le morceau, il s'agissait de Eleanor Forte. Mais avant de vous en dire un peu plus, laissez-moi vous faire écouter un deuxième morceau. Venons d'écouter le morceau Detrimental, interprété par Maki, en featuring avec Big Al. Quelques informations concernant notre album du jour, CMYK, pour Cyan, Magenta, Yellow and Key, qui pour Black également, c'est donc la quadrichromie. C'est en réalité un méga album qui est un regroupement de 4 EP, donc qui s'appelle individuellement Cyan, Magenta, Yellow and Key, chaque EP comportant 5 titres. Notre méga album CMYK, lui, en comporte 28 au total. C'est donc la compilation plus quelques extras. Écoutons donc un troisième morceau avant que je vous révèle le petit twist de cet album. Il s'agissait du morceau Just for Tonight, interprété par Gumi et Lily. Alors, peut-être l'aviez-vous compris depuis le début, depuis le premier morceau, sinon c'était peut-être un petit peu plus flagrant sur ce dernier morceau interprété par Gumi et Lily. Je vous ai donné très peu d'informations concernant les interprètes des différents morceaux que nous avons écoutés. Il y a une raison très simple à ça, en fait, tous les morceaux sont interprétés par des vocaloïdes, des voix de synthèse. En effet, Circus Pie est spécialisé dans la production de musique vocaloïde. Il s'est fait connaître du grand public avec le morceau Copycat, ou par exemple en ayant remporté le Miku Expo Song Contest en 2016 avec le morceau 10,000 Stars. Je voulais avec cet épisode vous faire découvrir d'autres voix que simplement Hatsune Miku. Circus Pie est très bon dans ce domaine-là, le fait d'utiliser une variété très large de différentes voix vocaloïdes, notamment des voix plutôt spécialisées dans le chant en anglais. Et l'album CMYK fait très bien ce job-là. Il utilise des voix comme Hatsune Miku, plus standard, plus connues, et d'autres beaucoup moins connues. Pour conclure ce premier épisode dédié à CMYK, je vais vous faire écouter la musique qui m'a fait découvrir l'album, la dernière piste de l'album, intitulée Better of Worse. Yes. Free him on a school night, but I'm just gonna leave. Making sure the feeling's just right, just right. Letting every bridge that I grace, making sure that I feel the pain. Getting in a way that hits space, at this space. I'm ready to go, oh, oh, I know, oh, oh. You're craving for a brand new now, oh. I'm ready to go, oh, oh, to help my growth of the boat on the shore. To you, I'm bigger, bigger, bigger, oh. If you could call a friend, come back to the hurdles that I've already passed. Remembering them over and over and anger. Just all show me God of the boulder. I'm ready to go, oh, oh, because I know all my walls are a product to be consumed. Now you're running low, oh, I know, oh, oh, you want something new. But what else can I do? To you, I'm bitter, bitter, bitter, of course. Your reason really hurts too much to bear. It's like I'm bitter, bitter, bitter, of course. My happiness is never cared for. Over and all lies, my broken heart. As the tempo kicks up a notch, cause I'm bitter, bitter, bitter, of course. You only ever like me in this spiral of despair. Il s'agissait donc du morceau « Better of Worse » interprété par la vocaloïde Flower. Voilà qui conclut ce premier épisode de 5Q Music. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a peut-être donné envie d'écouter un peu plus de l'album. C'est donc la fin de ce premier épisode. Je vous retrouve une autre fois pour un nouveau mood et un nouvel album. Ciao ciao !